Des statues dressées dans la nuit, mais vos idoles tombent sans bruit. Riders kill, marche droit et clair, un nom gravé, une vérité fer. Vous vénérez des trônes fragiles, chaque movie devient un style. Mais quand le vent souffle trop fort, vos idoles s'écroulent comme des corps. Moi je bâtis sans masque ni phare, chaque vérité devient un rempart. Riders kill, trace franc et léger, un feu sacré que rien n'est invité. Broken idols fall to dust, empty crowns will lose their trust. Riders kill stands, flames alive, truth eternal I survive. Through the storm my voice will stay, darkness fades, I light the way. Broken eye, oh, oh, fall to dust, but my soul is built on just. Leur foule s'incline sans comprendre, chaque faux pas les fait descendre. Des paroles creuses nourrissent leur foi, des vérités mortes sans aucune loi. Moi je parle brut sans détour, chaque ligne marque vos détours. Riders kill, vie franc et sincère, mon feu brûle au fond de la terre. Broken idols fall to dust, empty crowns will lose their trust. Riders kill stands, flames alive, truth eternal I survive. Lâchez vos chaînes dans des reflets, mais vos mirages s'effacent à jamais. Moi je marche franc, sans artifice, un roc debout, brut et précis. Broken arms, broken idols fall to dust, empty crowns will lose their trust. Rider skill stands, flames alive, truth eternal I survive. Chaque mensonge finit en cendres. Riders kill brûle clair et honnête, un nom gravé dans vos tempêtes.